إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence cette quatrième conférence de la journée. La conférence précédente aujourd'hui c'était au sujet du statut de la sunna dans l'islam. Et la conférence de maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui maintenant après cette prière de Maghreb, c'est un autre sujet mais qui est relié avec le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les principaux fondements de la sunna, les principaux fondements de la sunna. Et ce sujet dont on parle maintenant, c'est un sujet qui est très important, parce que beaucoup de musulmans, comme on l'a expliqué dans la première partie, on a vu que la signification du mot sunna, beaucoup de gens ont des mauvaises compréhensions à ce sujet-là. On a expliqué que déjà au sujet du mot sunna, il y a différentes définition selon les différents domaines de science dont on parle. Et que les ulama, par exemple, de hadith, quand ils parlent de la sunna, ils parlent d'une chose en particulier. Et quand on regarde, par exemple, les ulama de fiqh ou de usul al-fiqh, ils parlent de d'autres choses. Et ils définissent la sunna comme étant quelque chose avec une définition différente. Et on a mentionné aussi le problème qu'il y a que certaines personnes ont pris les terminologies qui ont été développées des siècles après les Sahaba pour définir ce qu'est le mot sunna ou ce que signifie le mot sunna, et que parmi eux il y en a qui ont dit par exemple que le mot sunna signifie ce qui est mustahab. Ça, on retrouve ça chez les fuqaha. Donc pour eux, qu'est-ce qui est le mot sunna signifie ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est recommandé. Et on a expliqué que cette définition du mot sunna, c'est une définition qui est apparue longtemps après dans l'histoire de l'islam. Et que ça amène beaucoup de confusion chez certains, puisqu'ils s'imaginent que tout ce qui est dans la sunna, c'est pas obligatoire à cause de ça. Alors que c'est faux. Il y a des choses dans la sunna que si tu l'opposes, si tu le rejettes, eh bien tu peux même quitter l'islam à cause de ça, puisque c'est des choses fondamentales. Et il y a des choses dans la sunna qui sont obligatoires, et il y a d'autres aussi qui sont, par exemple, si c'est des interdictions, qui sont haram, si le prophète a interdit des choses, donc ces choses-là deviennent haram, et ainsi de suite. Donc ça, déjà, c'est un point qu'on a clarifié. Mais on a expliqué que le mot sunna, dans le langage des salafs, le langage des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, c'est une signification beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, qui implique la aqida, la croyance islamique, les fondements du tawhid, les fondements de la religion, et le manhaj, et la méthodologie à suivre pour comprendre et pour pratiquer cette religion. Et parmi les exemples de ça, on a un grand nombre de livres que nos imams parmi les salafs ont écrits, comme par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah, ou bien Usul As-Sunnah. Et dans ce livre-là, il explique justement certains principes et certaines règles ou certains fondements qui constituent des bases et des fondements dans la religion de l'islam et dans la sunna. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit un sunni, pour que quelqu'un soit réellement sur la sunna et pour qu'il fasse partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, il doit croire et suivre et respecter ces principes-là. Si il ne, s'il n'y croit pas, ou s'il ne les respecte pas, ou s'il ne les suit pas, il sort de qu'est-ce qu'on appelle « as-sunnah » et il rentre dans qu'est-ce qu'on appelle « al-bid'a ». Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens ont pas compris également. C'est-à-dire, c'est quoi la différence, ou c'est quoi la limite entre la sunnah et qu'est-ce qui s'oppose à la sunnah? Beaucoup de gens n'ont pas compris ce point-là, parce qu'ils n'ont pas compris justement la signification de la sunnah et la signification du mot qu'on appelle, la chose qu'on appelle al-bid'a, c'est-à-dire l'innovation. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette conférence, inshallah, de façon résumée bien entendu, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais pour vous donner quelques exemples, en premier, comme l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit dans son livre « Usul al-Sunnah » Il commence en disant « Usul al-Sunnah indana al-tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillah wal-iqtida'u bihim » Donc il dit « Les fondements de la sunna pour nous » c'est de s'accrocher à ce que suivaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de les prendre comme exemple. Donc ça c'est la première phrase qu'on trouve dans le livre de l'imam Ahmad, Usul al-Sunnah. Et bien entendu par la suite il y a d'autres explications. Parmi les points qui ont été mentionnés au sujet de cette phrase dans le livre de l'imam Ahmad, Usul al-Sunnah, il y a des points à tirer de ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est que les savants ont défini le mot sunnah par différentes significations, mais que dans son sens plus large, ça inclut la aqida et le manhaj. Maintenant, la sunnah, c'est le contraire de bid'ah. La même manière que le shirk, c'est le contraire du tawhid et le contraire de l'islam. Le kufr, c'est le contraire de al-iman. La mécréance, c'est le contraire de la foi. Donc, le contraire de la sunna, c'est quoi? C'est al-bid'a. D'accord? Et les ulama, en lisant les textes du Coran et en lisant les textes de la sunna, ils ont fait sortir certains principes et certaines règles, et ils ont établi donc que des gens qui contredisaient ces principes et ces règles-là, eh bien, ils ont contredit la sunna et ils sont tombés dans l'égarement. Ok, parmi les exemples, il y a le livre de l'imam Ahmad, mais il y a beaucoup d'autres livres également qui s'intitulent ou qui s'appellent As-Sunnah, autre que celui de l'imam Ahmad. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Usul, Sharh Usul As-Sunnah, d'un imam qui est un des ulama des salafs qui s'appelle Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari. Il y a un autre livre qui a été également appelé As-Sunnah, écrit par le fils de l'imam Ahmad, Ibn Hanbal, son nom c'est Abdullah, hein, Abdullah Ibn Ahmad. Il a écrit un livre et il l'a intitulé As-Sunnah, lui aussi. Et ce livre il est publié, la même chose que le livre de l'imam Ahmad, il est publié également. Il y a le livre qui s'intitule As-Sunnah, écrit par l'élève de l'imam Ahmad qui s'appelle Al-Khallal. Un des élèves de l'imam Ahmad qui s'appelait Al-Khallal, il a écrit lui aussi un livre qui s'appelle As-Sunnah. Un autre parmi les imams des salafs qui s'appelle Ibn Abi Asim, il a écrit lui aussi un livre et il l'a appelé As-Sunnah. Et il y a l'imam Al-Lalaka'i, un des imams parmi les imams des salafs qui a écrit un livre qui s'appelle Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnati Wal-Jama'a. Donc tous ces livres-là sont des exemples de livres dans lesquels ils expliquent leur aqidah et la aqidah des salafs et la aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Hein? Et ils expliquent quels sont les principes en lesquels on doit croire et quelles sont les règles et les choses qu'on doit suivre pour avoir une bonne compréhension de la religion et pour ne pas tomber dans l'égarement et dans les différentes sectes qui ont dévié de l'islam. Il y a également d'autres livres qui ont été intitulés Al-Iman. Par exemple, le livre de Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Iman, dans lequel il explique la aqida. Et il y a également d'autres livres, par exemple, Al-Sharia de l'imam Al-Jurri, dans lequel il explique également la aqida d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, et il réfute les gens de Bid'a et les différentes sectes qui ont dévié sur les différents fondements de ces principes-là. Il y a un livre de l'imam Abu Sa'id al-Darimi dans lequel il réfute aussi les gens de Bid'a, hein, qui s'intitule Ar-Raddu ala Bishr al-Murrisi. Il y a un livre, par exemple, écrit par l'imam Ahmad qui s'intitule Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, la réfutation des Jahmiyya, une secte parmi les sectes d'égarement. Il y a le livre de l'imam al-Bukhari, celui qui a écrit Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Khalqu af'al al-Ibad, hein, dans lequel il réfute aussi les Mu'tazila et les autres individus de Bid'a. Également parmi les grands ulama de hadith, donc j'ai mentionné Al-Bukhari, dans son Sahih, il y a des chapitres dans lesquels il réfute les gens de Bid'a aussi. Comme un chapitre dans son livre qui s'appelle Al-Tawhid, Kitab Al-Tawhid, dans Sahih Al-Bukhari. Il y a Kitab Al-Tawhid et il réfute les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila dedans. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle Al-Irtisam bil Kitab wa Sunnah. Hein, qui est aussi une réfutation des gens de Bid'a dans Sahih al-Bukhari. Il y a également dans Sunan Abu Daoud, dans le Sunan de l'imam Abu Daoud, al-Sajistani, il y a un chapitre qui s'intitule Ar-Raddu ala al-Jahmiyyah. Et il y a un chapitre qui s'intitule As-Sunnah, Kitab as-Sunnah. Dans le livre de l'imam Ibn Majah, un des imams parmi les imams du hadith qui a rapporté le hadith, qui a écrit un des recueils de hadith parmi les Kutub al-Sitta, il y a aussi dans son livre un chapitre qui s'appelle As-Sunnah. Et si je ne me trompe pas, c'est le premier chapitre dans le livre. Hein? Dans Sahih Muslim, il y a le premier chapitre qui est Kitab al-Iman, dans lequel il réfute les Khawarij, les Murji'a et d'autres également parmi les groupes d'égarements. Donc c'est pour dire que tous ces imams, tous ces grands savants, ils ont écrit leur aqida, ils ont clarifié leur aqida, ils ont mentionné les points sur lesquels il était important de mettre de l'emphase pour éviter de tomber dans les déviations et les égarements. D'accord? Il y a donc beaucoup d'autres livres. Qu'est-ce que j'ai mentionné là? C'est un petit livre parmi les nombres de livres qui existent réellement. Il y a le livre de l'imam al-Bayhaqi qui s'appelle Kitab Shu'ab al-Iman, il y a Al-Asma al-Sifat de l'imam al-Bayhaqi, il y a le livre d'un autre des imams, Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, et ainsi de suite. Donc c'est un nombre innombrable. Il y a Al-Ibana de l'imam Ibn Battah, et Al-Raddu ala al-Jahmiyya de Ibn Mandah, et Kitab al-Tawhid de Ibn Mandah, et ainsi de suite. Il y en a une liste. Il y a un cheikh qui a écrit, le cheikh Abdul Karim, Abdul Karim Ibn Burgess, qui a écrit une liste des livres des imams des salafs qui ont écrit sur l'aqida et le manhaj. Il a énuméré plus que 350 parmi les livres que les salafs ont écrit justement pour défendre les fondements de la sunna et la aqida. Donc quand vous trouvez dans les paroles des salafs des livres qui s'intitulent As-Sunnah ou Usul as-Sunnah, ce sont des livres qui défendent les fondements de la croyance islamique et les principes de base de l'islam. Maintenant, pour vous donner quelques exemples par rapport à qu'est-ce que signifient ces fondements-là et ces principes-là, parce que aussi il y a d'autres imams parmi les savants de l'islam qui ont fait ça. Par exemple, parmi les savants qui sont venus un peu plus tard, il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hein, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Taymiyyah, presque tous ses livres parlent de aqidah et sont des réfutations des sectes ou des groupes d'égarement. Il a défendu donc les fondements de Ahl al-Sunnah, la même chose que ceux qui l'ont précédé. Et il s'est aidé des livres écrits par les salafs justement pour écrire ses livres à lui. Il n'a pas sorti ses paroles de lui-même. Il se réfère aux savants qui sont venus avant lui. Et la même chose pour son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Et par la suite, il y a eu d'autres savants comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui ont étudié avec lui parmi ses élèves qui l'ont suivi par la suite, jusqu'à notre époque, hein, avec des savants comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Salih Al-Luhaydan, Cheikh Salih Al-Suhaymi, Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Salih Al-Sheikh, Cheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, يعني Cheikh Zayd Al-Madkhali, Cheikh Mohammed bin Hadi, Cheikh Abdullah Al-Bukhari, et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres, Cheikh Ubayd Al-Jabiri, Cheikh Salih Al-Fawzan, et d'autres encore que j'ai pas nommés et que j'ai oubliés, mais il y en a d'innombrables de grands savants qui font partie des savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Maintenant, on va expliquer c'est quoi ces fondements parmi les fondements de Ahl-Sunnah. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan a écrit un livre à ce sujet-là. Usul Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est quoi? Il dit, les gens d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils suivent des fondements qui sont fermes, hein, et qui sont clairs dans la croyance, dans la pratique et dans la conduite. Qui sont des grands fondements qui sont extraits du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et sur ce que suivaient les prédécesseurs de cette umma, c'est-à-dire les salaf de cette umma, parmi les sahaba, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et on peut résumer ces points-là, ou ces fondements-là, en mentionnant les points suivants. Le premier, al-imanu billah, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. C'est-à-dire que le premier fondement de Ahl-Sunnah, le premier fondement de la Sunnah, c'est quoi? C'est la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, hein, de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Premièrement, pourquoi on mentionne ça? Tout le monde va dire, ah, mais ça, tout le monde le sait, parce que c'est mentionné dans le hadith Jibril, hein, et tout le monde sait que ça, c'est les fondements de la foi, les six piliers de la foi. Sauf que dans la compréhension de ces piliers-là, il y a beaucoup de musulmans qui ont dévié. Hein. Déjà, avant l'islam, parmi les peuples et les nations qui ont suivi des messagers et qui ont dévié, beaucoup d'entre ces gens-là ont dévié dans la façon dont ils comprenaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et le message des prophètes. Le meilleur exemple de ça, c'est hein, la dernière révélation qui a été déformée, c'est-à-dire celle des chrétiens, hein, qui ont déformé le message de Isa alayhi salam et qui ont créé qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la religion des idolâtres des chrétiens. Hein, du christianisme, qui adore Jésus, qui adore Marie, qui adore plein de saints et yani, qui font toutes sortes d'idolâtries. Donc ça c'est un exemple. Mais ces déviations-là et ces déformations-là dans la croyance à propos d'Allah, eh bien ça ne se limite pas juste aux chrétiens, ça ne se limite pas juste aux juifs. Dans cette umma aussi, il y en a qui ont dévié et qui ont eu des mauvaises compréhensions de ce que signifie de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parfois, ils ont dévié dans d'autres aspects des piliers de l'islam, comme par exemple la foi dans les anges, la foi dans les livres, la foi dans les messagers, la foi dans la prédestination. Il existe des sectes qui ont dévié dans chacun de ces piliers de la foi. Hein? Donc c'est important donc de comprendre quelle était la croyance des premiers musulmans, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et les premiers musulmans qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment eux ont compris ces piliers de la foi et comment eux ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ces éléments-là. Donc le cheikh il explique que premièrement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala c'est de reconnaître sa souveraineté, qu'il est le maître de tout, le créateur de tout, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui a le contrôle sur toutes choses. Et il ne faut pas seulement croire en ça, parce que cette chose, cet aspect-là, tout le monde le reconnaît, même les idolâtres de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient que c'était Dieu le créateur et ainsi de suite, ça ne faisait pas d'eux des musulmans. Il faut aussi reconnaître que Allah est le seul qui mérite d'être adoré, hein, et que celui qui adore d'autres avec Allah, c'est un mushrik, hein, c'est pas un musulman, même s'il se prétend musulman ou il se dit musulman. S'il adore d'autres que Allah, comme des saints, ou des prophètes, ou des anges, ou autres, il devient un mushrik. Donc, il doit, en fait, de croire en Allah, ça implique, ou ça signifie de reconnaître les trois catégories de tawhid, et de croire en ces trois catégories-là, et de les appliquer. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, ou tawhid al-asma al-sifat. L'unicité d'Allah dans la souveraineté, du fait qu'il est le seul créateur et le seul maître. L'unicité d'Allah dans l'adoration, que tu dois adorer lui seul et que tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Hein? Ou bien des fois, parfois, les gens expliquent ça en disant que Tawhid al-Rububiyya, ça signifie d'unifier Allah dans ses actions, c'est-à-dire que c'est lui le seul créateur, le seul pourvoyeur de subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes choses, et que Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid dans l'adoration, c'est d'unifier Allah dans les actions des serviteurs. C'est-à-dire que toutes nos actions qu'on fait pour adorer Allah et pour se rapprocher d'Allah, on les offre uniquement à Allah et à personne d'autre que lui. Et que si on offre à autre que Allah une acte quelconque d'adoration, comme le dua ou le fait de sacrifier ou de donner une offrande ou de faire des vœux ou ainsi de suite, on le fait pour autre que Allah, ça devient du shirk. Hein? Comme al-khawf, al-raja, tu crains autre que Allah, tu mets ton espoir en autre que Allah, tu aimes plus d'autres que Allah, plus que Allah, ou égal avec Allah, ou tu sacrifies pour autre que Allah, ou tu fais des vœux pour autre que Allah, tu cherches l'aide en autre que Allah, tu demandes le secours en autre que Allah, à autre que Allah, tu fais la salat, ou le jeûne, ou le hajj, ou tu dépenses de ton argent, hein, pour autre que Allah, tout ça, si tu le fais pour autre qu'Allah, ça devient du shirk. Donc toutes ces adorations-là, tu dois les faire uniquement yani pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et les faire comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné de le faire. Et ne rien associer avec Allah dans ça, que ce soit un ange ou un prophète ou un saint ou autre. Et le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah, ça signifie que tu affirmes à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans le Coran. Et tu affirmes pour Allah ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et comme attribut. Et que tu vas purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il s'est purifié vis-à-vis de lui-même. Hein? Comme par exemple, il a dit qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas, et ainsi de suite. Ça, tu dois le nier toi aussi. Hein? Tu dois dire qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne se fatigue pas, et ainsi de suite. D'accord? Et tu le purifies de toute imperfection ou impureté. Et tu reconnais que rien ne lui ressemble et qu'il n'a pas de semblable. Et que, et en même temps, tu ne dois pas déformer le sens de ses attributs ou les nier. Hein, et tu ne dois pas non plus demander le comment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou chercher à connaître le comment de ses attributs ou comment il est, ou essayer de l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Shura, le verset 11, « Laysa kemithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir » Il n'y a rien qui est comme lui, et il est le voyant, et l'audient est le voyant. Et il dit dans un autre verset, « Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha » C'est à lui qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Donc ça, c'est en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, on n'a pas le temps dans cette conférence de rentrer dans les détails de ça, puisque ce serait trop long, on pourrait en parler jusqu'à demain et on n'aurait même pas touché le début de ce sujet-là. Hein? Juste pour vous donner un exemple, Yanni, on a fait l'explication d'un livre qui s'intitule Kitab al-Tawhid, et on l'a lu ensemble pendant 2 ans, on a fait 154 cours pour l'expliquer. Donc 154 cours d'une heure minimum. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas l'expliquer ce sujet-là en 5 minutes ou une heure même. Donc c'est juste pour vous donner une aperçu général et global. Maintenant, en ce qui concerne la foi en les anges, ça signifie qu'on doit croire en leur existence et que Allah les a créés et qu'il les a créés de lumière. Et il les a créés, bien entendu, pour que ces anges-là l'adorent et pour mettre en exécution ses ordres dans l'univers. Donc les anges n'ont pas de pouvoir de désobéir. Ils sont créés obéissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. C'est-à-dire, ce sont des nobles serviteurs. Ils ne le précèdent pas par la parole et ils agissent selon son ordre. Et il mentionne un autre verset dans Surat Fatir, le premier verset, جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلقه ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala a fait des anges, des messagers qui ont deux ou trois ou quatre ailes et il augmente de sa création comme il veut. Et comme on le sait, il y a des anges comme l'ange Jibril, alayhi salam, le prophète Sallam, quand il l'a décrit, il a dit qu'il a 600 ailes. Et qu'avec un de ses ailes, avec une de ses ailes, il couvre l'horizon au complet. Donc imaginez, s'il a 600 ailes, comment il doit être immense. Le troisième pilier, c'est la foi en les livres. Et ça signifie bien entendu de croire en ces livres-là et de savoir que ces livres-là contiennent la guidance et la lumière et que Allah les a révélés à ses messagers pour guider l'humanité et que le plus grand des trois livres, hein, parmi la Torah, l'Injil et Al-Qur'an, le plus grand d'entre ces trois-là, c'est Al-Qur'an al-Karim et c'est le plus grand de tous les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux messagers. Et il mentionne le verset 88 dans sourate Al-Isra. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. C'est-à-dire si les djinns et les hommes et les djinns se mettaient tous ensemble pour ramener un Coran comme celui-là, ils ne pourraient pas en ramener un pareil, même s'ils s'aidaient tous les uns les autres pour le faire. C'est-à-dire si tous les êtres humains, hein, tous les écrivains, les littéraires et les poètes, peu importe qui ils sont, se mettaient tous ensemble pour essayer de produire un Coran semblable à celui-là, ils ne seraient jamais capables. Parce que c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a croient que le Coran est la parole d'Allah révélée. Elle n'est pas créée. Elle est une parole révélée. Ses lettres sont révélées et sa signification sont révélées. Hein? Donc, le Coran n'est pas créé, contrairement à certains groupes d'égarements et certaines sectes, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, les Ash'ira et les Maturidiya qui prétendent que le Coran est créé. Hein? Donc ces sectes-là ont dévié à ce sujet-là. Ils disent que le Coran est créé. Soit qu'ils disent qu'il est tout créé, ses lettres et ses significations, et certaines sectes comme les Ash'ira, eux, ils disent non. Ces lettres sont créées, mais sa signification n'est pas créée. Et ils disent que le vrai Coran, c'est la signification de la parole d'Allah et non pas la parole d'Allah elle-même. Donc ça, bien entendu, c'est du n'importe quoi. C'est des paroles totalement fausses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا. » Donc ce verset-là, c'est le verset 6 dans sourate At-Tawba. Et Allah, dans ce verset-là, il dit, « Et si un d'entre les mouchriquins te demande protection, alors garde-le sous ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis amène-le à son lieu où il veut aller. » Hein? Donc ça veut dire, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, ça veut dire que lorsqu'on récite le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein? Et c'est pas créé. Hein? Bien entendu, la voix du récitateur, c'est sa voix, ça s'est créé. Mais les paroles qu'il récite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 15 en sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Ils veulent changer la parole d'Allah. Donc c'est la preuve que qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est la parole d'Allah. فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَا كَلَامُ غَيْرِهِ. C'est pas la parole du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la parole de Jibril, alayhi salam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, donc ça c'est important. Et ensuite le point numéro 4, Al-Iman ou Bir-Rusul, la foi en les messagers, c'est que tu crois en tout, hein, en tous les messagers sans exception. Ceux que Allah a mentionnés de façon explicite, tu crois en eux de façon explicite, et ceux qui ne sont pas mentionnés dans la révélation, tu crois en eux de façon générale, du fait que Allah a dit qu'il y a des messagers dont il a parlé, il y en a d'autres dont il n'a pas parlé. Et tu dois donc croire en tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier. Le dernier étant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de tous les prophètes. Walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Donc il est celui qui est venu sceller la prophétie, il est le dernier. Celui qui dit qu'il y a un autre prophète après lui, il est kafir, il n'est pas musulman. Hein? Comme par exemple, les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, ils disent, Ghulam Ahmad, c'est un prophète. Et il est venu des siècles après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette secte-là sont des koufars, ils ne sont pas des musulmans. Ou même la secte d'Elijah Muhammad, ceux qui suivent Louis Farrakhan, parmi les blacks musulmans aux États-Unis, ils disent que Elijah Muhammad était un prophète. Hein? Et ils disent que Dieu est venu en homme sur terre pour sauver les hommes noirs américains. Et ils disent que c'était Dieu incarné ou que c'était Dieu lui-même. Ces gens-là ne sont pas des musulmans, même s'ils se prétendent musulmans. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font le hajj. Tant qu'ils ne disent pas que ça c'est un mensonge, que Elijah Muhammad n'est pas un prophète, tant qu'ils ne nient pas que c'est un prophète, ils ne seront pas musulmans. Parce que la foi en les messagers, ça implique que tu dises que le dernier c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y en a pas d'autre après lui. Donc ça c'est un point qui est important à ce sujet-là. Il dit donc que la foi en les messagers, ça doit être une foi qui est générale, mais la foi en notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être une foi qui est plus détaillée et spécifique. Hein? Du fait qu'on croit par exemple qu'il est le dernier des prophètes, et que celui qui ne croit pas en cela, comme on a dit, qu'il est kafir, il n'est pas musulman. Et il dit ici, فهو كافر والإيمان بالرسول يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans les extrêmes par rapport à la foi en les messagers, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Les juifs et les chrétiens ont exagéré. Par exemple, les juifs, ils ont exagéré à propos d'Isa alayhi salam. Ils ont dit que c'était un faux prophète et que c'était un enfant illégitime. Tandis que les chrétiens, ils ont fait de lui un dieu. Donc les juifs, ils l'ont rabaissé. Les chrétiens, ils l'ont élevé, mais ils ont exagéré. Et les musulmans, ils ont dit, c'est un messager et c'est un serviteur d'Allah, un être humain. Hein? Donc on est entre ces deux extrêmes-là, tu vois. Par rapport aux messagers, on ne les élève pas à niveau de divinité et on ne les rabaisse pas comme on fait les juifs. Et donc, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. C'est-à-dire, les juifs ont dit: Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens ont dit: Jésus est le fils d'Allah. Hein? Donc il les réfute à ce sujet-là. C'est le verset 30 dans surat At-Tawbah. Il dit qu'également il y a des groupes qui ont dévié au sujet des messagers aussi, comme par exemple les soufis et les philosophes. Les soufis et les philosophes, il dit qu'ils ont barakallahu fik, okay, ils ont dévié à propos des messagers parce que ils ont exagéré, ils ont diminué les prophètes parce qu'ils ont préféré leurs imams par-dessus eux. Par exemple, les soufis, il y en a parmi eux qui disent que, par exemple, que leur cheikh Ahmed Tijan, c'est Khatim al-Awliya. Et que le Khatim al-Awliya, il est meilleur que le Khatim al-Anbiya. Le Khatim, c'est-à-dire le dernier des Awliya, le dernier des saints. Ils disent que c'était leur cheikh, Ahmed Tijan. Et ils disent qu'il était meilleur que Khatim al-Awliya, al-Anbiya, meilleur que le dernier des prophètes. Donc ils diminuent les prophètes, puis ils élèvent leur cheikh ou leur fondateur ou leur imam ou je sais pas quoi. Donc ça c'est l'exemple. Et les philosophes, ils dénigrent les prophètes parce qu'ils nient la prophétie. Ils ne croient pas en la prophétie du tout. Hein? Ils ne croient pas que c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala révèle une révélation à un être humain et qu'il lui donne des connaissances ou des révélations qu'il n'a pas données à aucun autre homme. Donc, et de même que les idolâtres, les païens et les athées, ils ont tous rejeté la foi en les messagers. Les juifs, eux, par contre, ils ont cru en certains messagers, mais ils ont nié Isa et ils ont nié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des koufars puisqu'ils n'ont pas cru en Isa, alayhi salam, et ils n'ont pas cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un aujourd'hui te dit, est-ce que les juifs sont des croyants? Tu dis, non, ils ne sont pas des croyants. Et la preuve, parce qu'ils ne croient pas en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croient pas en Isa, alayhi salam. Donc ça, c'est kufr. Et si quelqu'un rejette ça, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Et la même chose pour les chrétiens. Ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sont des kuffars. Si quelqu'un te demande, est-ce que les chrétiens sont des croyants? Tu dis, non, ils ne sont pas des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne croient pas en Coran, al-Qur'an. Et les juifs, ils ne croient pas en l'Injil, en plus de ne pas croire en al-Qur'an. Donc ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des croyants. Contrairement à certains, parmi les groupes islamiques, qui, lorsqu'ils parlent des juifs et des chrétiens, ils disent, non, ce sont des croyants, ce sont nos frères, et ainsi de suite. Ça, c'est un grand blasphème de leur part. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc, ces gens-là, ils ont cru en certains prophètes et ils ont rejeté la foi en d'autres. Donc, celui qui fait ça, il est un kafir. Et la preuve, c'est dans le verset 150, dans Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. وقال تعالى, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Donc ceux qui rejettent la foi en Allah et en ses messagers et qui veulent distinguer ou diviser entre Allah et ses messagers et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons la foi en certains d'entre eux et ils veulent prendre une voie entre ces deux-là, ceux-là sont les vrais mécréants. Et dans le verset 285, dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit, nous ne faisons aucune différence entre les messagers. Donc on ne doit pas dire on croit en certains, puis on ne croit pas en d'autres, parce que si tu crois en tous les prophètes sauf un, tu es kafir. Si tu dis je crois en tous les prophètes, je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en Isa, en Moussa, mais je ne crois pas en Ibrahim, eh bien tu n'es pas musulman, même si tu crois en tous les autres. Parce que du moment que tu rejettes un, c'est comme si tu rejetais tous les autres. Al-Iman bil yawm al-akhir, la foi en le jour dernier, c'est-à-dire que tu dois croire en tout ce qui se passe après la mort, de ce qui a été mentionné comme information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths qui sont authentiques, comme par exemple le châtiment de la tombe et les délices de la tombe, la résurrection des tombes, le rassemblement, le jugement, la balance, le fait que nos actions seront pesées et on va être pesées, nos œuvres sont pesées au jour de la résurrection sur une balance, et qu'il va nous remettre nos livres. Celui qui a fait le bien, il reçoit son livre de la main droite. Celui qui a fait le mal, il reçoit son livre de la main gauche, et ainsi de suite. Le pont qui est sur l'enfer que chacun doit traverser, et la foi en le paradis et l'enfer, tel qu'il a été décrit et mentionné dans les textes authentiques. Et également, ça implique qu'on doit se préparer avec des bonnes œuvres pour tout ce qui est mentionné comme bonne action dans ces choses-là, et d'abandonner les péchés et les désobéissances, et si on avait des péchés, de se repentir de ces péchés-là, c'est-à-dire d'avoir le remords, de cesser de le faire, et d'avoir la ferme, la motivation, ou bien on peut dire la ferme, quand on prend une résolution, c'est-à-dire d'avoir la ferme résolution qu'on ne va plus le refaire. Hein? On ne va plus le refaire. Et parmi les gens qui ont rejeté la foi le jour dernier, il y a les dahriyoun, c'est-à-dire les matérialistes, les athées, qui ne croient pas en la vie après la mort. Ils ne croient pas en la résurrection, ils ne croient en rien. Et les mouchrikoun aussi, parmi les païens, les idolâtres, et les juifs et les chrétiens, ils ont une foi en le jour dernier, mais ce n'est pas une foi qui est correcte. Hein? Parce que tu trouves parmi les chrétiens, par exemple, qui vont dire, dans le paradis, on ne va pas être ressuscité avec un corps, on va être comme des âmes, ou bien on va être comme des anges. Et tu vois souvent dans leurs peintures, ils font des petits bébés avec des ailes dans le dos. Hein? Ils disent ça va être les hommes dans le paradis. Et ça, bien entendu, ils ont pris ça dans leurs imaginations. Ce n'est pas vrai, hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que non, dans le paradis, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun aura 33 ans. Et il y aura ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais imaginé. Et qu'il y aura tout ce que le cœur peut désirer, il va l'avoir dans le paradis. Et les plus grands délices, hein, et des épouses, hein, yani, qui sont chastes et pieuses et qui sont très belles au paradis et qui sont d'une jeunesse éternelle. Et qui sont vierges éternelles aussi, hein, éternellement vierges. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Et c'est des choses qui sont préparées pour les croyants. Et il y a un enfer aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala elle décrit cet enfer-là dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé aussi. Et il a dit par exemple que dans l'enfer, donc quelqu'un qui rentre dans l'enfer, il aura des châtiments et ainsi de suite. Tout ça, c'est décrit dans la révélation de façon détaillée. Et il dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أَوْ نَصَارًا. Les juifs et les chrétiens, ils prétendent que c'est seulement si tu es juif ou chrétien que tu vas rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés à ce sujet-là. Ça c'est le verset 111 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tilka amaniyuhum. Hein? Ça c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils pensent. Hein? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dis, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Et il dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 80 dans sourate Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Les juifs ont dit, le feu ne va pas nous brûler, excepté qu'un petit nombre de jours. Hein? Donc ça, c'est d'autres mensonges qu'ils ont inventés aussi. Le sixième pilier, al-imanu bil-qadar. Al-imanu bil-qadar, c'est la foi à la prédestination. Et à ce sujet-là, il y a beaucoup de sectes qui ont dévié. Parmi les sectes qui ont dévié à ce sujet-là, il y a les Jabriya et il y a les Qadariya. Al-Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ils disent qu'il n'y a pas de prédestination. Tout le monde décide et choisit qu'est-ce qu'il veut. Hein? Et yani, il nie la prédestination d'Allah, que Allah a prédestiné ce que les hommes vont faire. Et Al-Jabriya, c'est le contraire. C'est ceux qui disent que les hommes sont forcés, ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas de volonté et de pouvoir. Ils sont comme des plumes dans le vent. Ça c'est deux extrêmes. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est la position entre ces deux extrêmes là. La foi en Al-Qadar, ça implique quatre choses, quatre points que les ulama ont mentionnés dans les livres d'Aqidah. Le cheikh il les résume. Premièrement, de croire que Allah a la connaissance de toutes choses. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, qu'il a tout écrit ce qui va se produire depuis la création jusqu'à la fin des temps. Tout est écrit dans un livre. Al-Lawh al-Mahfouz. Tout ce qui va se produire de bien ou de mal, c'est écrit. Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. La plume a été soulevée et l'encre a séché. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah. Comme on dit en arabe, masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut, c'est, et ce qu'il ne veut pas, il ne va pas être. C'est impossible. Hein? Donc ça c'est très important, ça fait partie des principes de la foi en Al-Qadar. Puis le quatrième point de la foi en Al-Qadar pour Ahlus Sunnah al-Jama'a, c'est le fait de dire que tout ce qui existe, que ce soit bon ou mauvais, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les principes et les points qui ont été établis au sujet de cette question-là. Et comme je disais tout à l'heure, les groupes ont dévié et Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté ces deux groupes-là. Il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ça veut dire celui qui veut, alors qu'il prenne un chemin vers son Seigneur. Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah a voulu. Donc ça veut dire, Allah il affirme qu'on a la volonté. Donc on a tous une volonté. Allah nous a donné la liberté et le choix. Mais vous ne pouvez vouloir accepter que Allah a voulu. Donc notre volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose qui va contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Puisque Allah, il est le Tout-Puissant. Il a le contrôle de chaque atome de l'univers. Et il n'y en a pas une goutte d'eau qui peut tomber du ciel, ou un atome qui ne peut pas bouger ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Peu importe, il n'y a rien qui peut, même pas se, faire une rotation, ou bouger, ou vibrer, ou quoi, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même si c'est une fourmi, elle ne peut pas bouger sans la permission d'Allah. Peu importe, que ce soit immense ou que ce soit microscopique, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, il l'a écrit, il l'a créé, il l'a voulu, et il n'y a rien qui sort de sa volonté. Hein? Donc ça c'est notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, nos actions, on sera jugé pour, et celui qui a fait le bien, il va être récompensé, et celui qui fait le mal, il va être puni. Donc le serviteur a une volonté, contrairement à ce que disent les Jabriya, et elle suit la volonté d'Allah. Ça c'est pour réfuter les Qadariya qui nient la prédestination. En ce qui concerne, donc ça c'est en ce qui concerne le premier pilier, on vient de terminer celui-là. Maintenant, le Cheikh il mentionne comme deuxième pilier, parmi les piliers d'Ahlus Sunnah, parmi les piliers de la Sunnah, ou les fondements de la Sunnah, Al-Aslu Thani wa Huwa min Usuli Ahlus Sunnah wal Jama'a anna al-Iman qawlun wa amal wa i'tiqad yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Donc la foi, c'est ça le deuxième fondement de Ahlus Sunnah wal Jama'a. La façon de concevoir qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est l'Iman. Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui ont dévié au sujet de cette question-là. Les Khawarij, ils ont dévié là-dedans. Et les Murji'a, ils ont dévié là-dedans. Dans deux extrêmes. Hein? Les Mu'tazila aussi. Les Khawarij ont dit, si tu fais un grand péché, tu sors de la foi, tu deviens kafir complètement. Hein? Et les Murji'a ont dit, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, du moment que tu as la foi, ta foi elle reste toujours pareille, le même niveau, toujours complète, ta foi. Et les Mu'tazila, eux, ils ont ramené une autre bid'a. Ils ont dit non, quand tu fais un grand péché, tu n'es pas un croyant, puis tu n'es pas un mécréant. Tu es entre les deux dans cette vie. Tu n'es pas mu'min, tu n'es pas kafir, tu es entre les deux. Puis dans l'au-delà, tu meurs, hein, tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Tu es comme les koufars. Donc ça c'est trois exemples d'égarement par rapport à la foi. La position de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est une position qui dit que la foi c'est une parole, c'est une action et c'est une croyance. Elle augmente avec les œuvres que tu fais, des bonnes œuvres, et elle diminue quand tu fais des péchés. Donc la foi c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui augmente, c'est quelque chose qui diminue. Ok, et qu'est-ce qui peut annuler cette foi-là? C'est si tu fais quelque chose qui est shirk majeur ou kufr majeur. Sinon, si tu fais des grands péchés, ça fait diminuer ta foi, mais ça la détruit pas complètement. Tu restes toujours un musulman. Sauf que tu es un musulman avec la foi qui est faible. Hein? Contrairement aux Khawarij qui disent si tu fais un grand péché, tu deviens kafir, tu sors de la foi, puis ton sang devient licite et tes biens deviennent licites. On a le droit de te tuer, on a le droit de prendre ton argent. Et c'est eux maintenant qui font qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans, qui tuent des innocents, des femmes et des enfants et des vieillards, au nom de l'islam, ils pensent que ça c'est le djihad. Donc ça c'est des exemples. Eh bien, le cheikh il explique. Il dit que si tu dis que la foi c'est seulement une parole et une action sans la croyance du cœur, ça c'est la foi des munafiqines, des hypocrites. Parce que les hypocrites, ils disent des bonnes choses, ils disent la ilaha illallah, ils font les actions, mais ils croient pas avec leur cœur. dans leur cœur, ils détestent l'islam, ils détestent la foi. Donc ce sont des munafiqines, des hypocrites. Et c'est pas juste non plus de connaître Allah. Comme il y en a qui pensent, ça y est, j'ai connu Allah, je suis croyant. Même s'ils font aucune action et ils disent aucune, et ils disent pas la parole de foi. Il dit, ça c'est la foi des mécréants et des gens qui opposent la vérité. Parce que c'est pas juste de connaître Dieu qui fait que t'es croyant. Hein? Il y a des gens qui connaissent l'islam, c'est des juifs et des chrétiens, ils l'enseignent l'islam à McGill. Hein? Ils sont des docteurs en islam, mais c'est des koufars. Donc c'est pas juste de connaître l'islam qui va te faire être un croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا. C'est-à-dire, ils l'ont nié, alors que au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec conviction. Mais ils l'ont nié par injustice et par fierté, orgueil, arrogance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne aussi dans un autre verset, dans surat Al-An'am, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son messager, on sait que ce qu'ils disent à ton sujet te rend triste, mais ce n'est pas toi qu'ils traitent de mensonge, mais les injustes rejettent ou renient les versets d'Allah. C'est les versets d'Allah qu'ils rejettent. Mais ils ne traitent pas de mensonge le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne traitent pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de menteur. Au contraire, ils l'appelaient Al-Amin, hein, le digne de confiance. Donc, c'est des gens qui rejettent la vérité qui vient d'Allah. Même s'ils savent que c'est vrai. Ils ont la connaissance. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. C'est-à-dire, Ad et Thamoud, et on t'a expliqué un peu de leur demeure, et le shaitan leur a embelli leurs actions, alors ça les a, ça leur a obstrué le chemin, et alors qu'ils étaient clairvoyants. C'est-à-dire, ils voyaient clairement que c'était la vérité. Surat Al-Ankabut, le verset 38. ليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا أو اعتقادا دون عمل لأن هذا إيمان المرجئة والله تعالى كثيرا ما يسمى الأعمال إيمانا. Le Cheikh dit, la foi c'est pas juste non plus une croyance tout seul, et c'est pas juste une parole et une croyance sans action, parce que ça c'est la foi des murji'a, une secte déviée qui s'appelle les murji'a. Et eux, ils disent que les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Et quand tu leur dis à ces gens-là, mon frère, fais la prière. Mon frère, taqillah, ça c'est haram. Il te répond quoi? Ya akhi al-iman fil qalb. Mon frère, la foi, c'est dans le cœur. Hein? Dis-moi pas ça, que si je ne fais pas ça, je ne suis pas croyant. Dis-moi pas que si je fais ça, je ne suis pas un croyant. Si je fais un péché, je ne suis pas croyant. Ou ma foi est faible. Hein? Dis-moi pas que ma foi est faible. Dis-moi pas que si je fais pas ce qui est ordonné par Allah, que je suis pas un croyant, que ma foi est faible. Tout le monde est croyant, la foi c'est dans le cœur. Du moment que j'ai reconnu que l'islam c'est la vérité, que je crois en Allah, que je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je crois au messager, je crois au Coran, après que je laisse qu'est-ce que je veux ou que je fasse qu'est-ce que je veux comme péché, ma foi va toujours rester le même. Parce que la foi c'est dans le cœur, c'est pas dans les actions, c'est pas dans les paroles. Ça c'est la croyance des Murji'a. C'est une secte déviée parmi les sectes de Bid'a et d'égarement. Hein? Et le Cheikh il mentionne à ce sujet-là, et ça c'est répandu dans les pays musulmans, c'est des gens qui ont cette pensée-là ou cette croyance-là, on la retrouve partout. Et surtout chez les soufis et les ignorants. Ils pensent que tu peux faire les pires crimes, les pires saletés du monde, mais que ton cœur va toujours rester pur. Peu importe. Donc quand tu leur parles, tu dis, mais pourquoi tu fais ça, c'est haram. Il dit, al-iman fil qalb, la foi c'est dans le cœur. Et tu lui dis, ya akhi, ça c'est obligatoire, pourquoi tu fais pas ça? Il te dit, ya akhi, al-iman fil qalb, mon cœur il est pur. Hein? Donc, nous on ne voit pas ton cœur, on n'a pas ouvert ton ventre pour voir à l'intérieur le cœur qu'est-ce qu'il y a dedans. Et Allah, il ne nous a pas demandé ça. Allah, il nous a demandé de juger selon ce qu'on voit, selon ce qu'on entend. Et c'est tout. Nous, ça s'arrête là. Le reste, qu'est-ce qui est dans ton cœur, ça c'est entre toi et Allah. Mais nous, ce qu'on voit, c'est ta perversité et ta désobéissance. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui au lieu de dire la foi, c'est dans le cœur, des choses de ce genre, tu dois dire que Allah, hein, te guide et tu dois te repentir à Allah et commencer à faire ce qu'Allah t'ordonne de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, plusieurs fois, il mentionne les actions et il les appelle de la foi. Il les appelle les actions de la foi. Il mentionne un verset, il dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan wa qala ta'ala wa kana Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Donc il mentionne le verset dans sourate Al-Anfal, verset 2 à 4, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants ne sont que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salate et donnent ou dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Donc il mentionne des actions, des croyances, des paroles, et il dit par la suite que ceux qui ont ces caractéristiques-là sont les vrais croyants. C'est la preuve que la foi, c'est une action, c'est une parole, et c'est une croyance. Une parole, une action et une croyance. Et il mentionne aussi le verset 143 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِمَانَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas vous faire perdre votre foi. Et de qu'est-ce qu'il parle ici? Il parle de la prière que les gens faisaient à Baytul Maqdis avant que les croyants soient ordonnés de changer la Qibla. Parce qu'au début de l'islam, quand la prière a été ordonnée avant la Hijra, les gens qui étaient à Mecca, ils priaient, ils se mettaient entre la Kaaba et ils faisaient face à, ils se mettaient devant la Qibla, ils se mettaient devant Baytul Maqdis, mais ils mettaient Baytul Maqdis, ils mettaient entre eux et Baytul Maqdis la Kaaba dans le chemin quand ils faisaient leur prière. Donc ils faisaient face à Baytul Maqdis, mais ils se mettaient devant la Kaaba pour prier. Quand ils sont partis à Al-Madina, ils ont fait la prière vers Baytul Maqdis directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a ordonné de changer de Qibla pour qu'ils prient vers la Kaaba. Les Sahaba qui étaient là, qui ont connu des musulmans qui étaient musulmans auparavant et qui sont morts et qui priaient vers Baytul Maqdis auparavant, et maintenant on a changé la Qibla, ils se demandaient qu'est-ce qui va arriver avec eux qui ont prié vers Baytul Maqdis. Est-ce que leur prière va être encore... Est-ce qu'ils auront encore les récompenses pour la prière qu'ils ont fait à Baytul Maqdis, maintenant qu'on a changé la direction? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là pour dire il ne va pas faire perdre à ces gens-là leurs actions. C'est la preuve que la salat, c'est une foi, et la foi, c'est une action, une parole et une croyance. Hein? C'est pas juste une croyance toute seule, c'est pas juste une parole toute seule, et c'est pas juste des actions sans une croyance, c'est les trois ensemble. Parole, action, croyance. C'est ça la foi. Al-asl al-thalith min usul ahl as-sunnah wal-jama'ah annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimina illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al-islam amma ma kana min al-kaba'ir allati hiya dun ash-shirk wa lam yadul dalil ala kufri murtakibihi كترك الصلاة تكاسلا مثلا فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق. Donc le cheikh il explique un autre fondement parmi les fondements d'Ahlus Sunnah, c'est que les gens d'Ahlus Sunnah, ils ne déclarent pas kafir un musulman parce qu'il a commis un péché, un grand péché. Il déclare seulement kafir celui qui a commis un acte qui vient annuler l'islam, parmi les annulatifs de l'islam. Mais s'il commet un grand péché parmi les grands péchés qui est autre que le shirk, dans ce cas-là, yani, du moment qu'il n'y a pas une preuve claire du Coran et de la Sunna qui n'a pas prouvé que cette action-là est une action qui fait sortir de l'islam, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de le déclarer comme étant mécréant. Et il mentionne ici le cheikh, excepté comme par exemple la personne qui abandonne la prière par paresse. Parce que parmi les savants, il y en a qui déclarent que celui qui abandonne la prière par paresse, qu'il est mécréant, qu'il sort de l'islam, et il se base sur des hadiths qui sont authentiques à ce sujet-là, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Bayna rajul wal kufru shirk tarku s-salah » et العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. C'est-à-dire l'entente ou le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Alors celui qui l'abandonne, il a mécru. Donc ça, c'est des hadiths que des ulama, parmi eux l'imam Ahmad ibn Hanbal, ont considéré comme étant des preuves pour dire que la personne qui l'abandonne la prière, même si c'est par paresse, même s'il reconnaît même si c'est par paresse, il est en dehors de l'islam. Tandis que d'autres savants ont considéré que du moment qu'il reconnaît son obligation, il ne sort pas de l'islam. Mais s'il nie son obligation, il devient mécréant. Donc ça, c'est une divergence entre les ulama à ce sujet-là. Toutefois, en ce qui concerne la question dont on est en train de parler, la question des grands péchés, que si quelqu'un fait un grand péché, il ne sort pas de l'islam, ça c'est quelque chose, tous les savants de Ahl Sunnah sont d'accord là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui va voler, qui va tuer, qui va boire de l'alcool, qui va manger du porc, et qui meurt de ce péché-là sans se repentir, qui a mangé du riba, qui meurt de ce péché-là sans se repentir avant sa mort, on dit qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le pardonner. Si Allah veut, il va le châtier et le mettre en enfer. Sauf que du moment qu'il n'a pas commis de shirk majeur, qui n'a pas fait de kufr majeur, il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. Il va sortir après un certain temps que seul Allah connaît. Hein? Et la preuve de ça, c'est dans le verset 48, dans Surat al-Nisa, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on associe quiconque avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc, le shirk, il ne pardonne pas. C'est-à-dire, si tu meurs sur le shirk sans te repentir avant ta mort, sans accepter l'islam, sans dire la ilaha illallah, et en l'appliquant, donc tu meurs dans le shirk, tu n'as aucun espoir de rentrer au paradis, tu vas être en enfer pour l'éternité. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Donc ça c'est clair. Mais si tu meurs et que tu étais sur le tawhid, tu étais sur la foi en l'unicité d'Allah, t'as pas fait de shirk, mais que tu avais commis des grands péchés et que tu t'étais pas repenti de ces grands péchés-là, alors là tu es sous la volonté d'Allah. Mais s'il veut, il va te faire entrer au paradis, peut-être que tu as d'autres œuvres que tu as faites qui ont effacé ces péchés-là. Ou t'as eu un accident, une maladie, des choses comme ça. Allah t'a expié des péchés avec ça. Toutefois, si tu rentres en enfer parce qu'il décide de te punir par sa justice, eh bien tu vas pas rester dans l'enfer pour l'éternité. Tu vas sortir après un certain temps, puis tu vas rentrer au paradis pour rester. Par la suite, tu restes au paradis pour l'éternité puisque t'es un musulman. Donc ça c'est la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là. Contrairement aux Khawarij, qui font le takfir des gens qui font des grands péchés, et contrairement aussi aux Murji'a, qui considèrent que peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ta foi elle reste toujours complète et parfaite, et que la foi de tout le monde est égale. Pour eux, la foi des prophètes, la foi des meurtriers, des tueurs, des pervers, des voleurs, c'est la même foi. Du moment que ils ont dit qu'ils croyaient en l'islam, pour eux, c'est tout le monde, c'est le même niveau de foi, puis la foi, elle n'augmente pas, elle diminue pas. Pour eux, c'est quelque chose qui est statique, qui est fixe, qui bouge pas. Et ça, bien entendu, c'est pas supporté par des preuves. C'est basé sur de la philosophie et d'autres trucs de ce genre. Donc, ça c'est un des fondements parmi les fondements d'Ahlus Sunnah. Il y a des musulmans, comme on a dit, qui ont dévié là-dessus. Mais ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui retournent au texte et aux preuves et qui se réfèrent au Coran et à la Sunnah. Le quatrième fondement parmi les fondements d'Ahlus Sunnah, c'est l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans tant qu'il n'a pas ordonné de faire un péché. Et s'il ordonne de faire un péché, il n'est pas permis de leur obéir dans ce péché-là. Toutefois, il reste tout de même obligatoire de leur obéir dans le reste des choses bonnes qu'ils ordonnent de faire, qu'ils nous demandent de faire. Ça, c'est un des fondements parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et parmi les musulmans, il y a plusieurs groupes qui ont dévié à ce sujet-là. Parmi les groupes qui ont dévié à ce sujet-là, l'obéissance des dirigeants musulmans, même s'ils sont des dirigeants injustes, même s'ils sont des dirigeants, des tyrans, qui sont injustes et qui font du tort aux gens et à la population, il est obligatoire pour les musulmans de leur obéir dans le bien tant qu'ils n'ont pas ordonné de faire un péché. S'ils ordonnent aux musulmans de faire un péché, ce n'est pas permis pour eux de leur obéir dans ce péché-là, mais ils doivent continuer à leur obéir dans le reste des choses qui sont bonnes. Ça, c'est un principe dans lequel les gens ont dévié parmi les sectes des Khawarij. Les Khawarij et les Mu'tazila. Parce que les Khawarij et les Mu'tazila disent que le dirigeant, s'il est injuste ou s'il fait des péchés, il n'y a plus d'obéissance qui est légitime dans son cas. Il devient obligatoire pour les musulmans de le changer, de le mettre en dehors du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement dans les pays musulmans? C'est l'expression de ces sectes, des Khawarij et des Mu'tazila, qui font des gens qui appellent à des manifestations, qui appellent à des marches, à des coups d'État et à des renversements ou des trucs de ce genre. Tout ça, c'est inspiré par les bid'a et les égarements de la secte qu'on appelle la secte des Khawarij. Ok? Naam. Donc ça, c'est très important. Et bien entendu, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui supportent ce principe-là et ce point-là. Et ça, on va les citer, inshallah, demain, quand on va parler d'autres conférences qu'on va faire, inshallah. On va ramener des preuves et des détails à ce sujet-là. Toutefois, le cheikh, il mentionne ici un hadith. Il mentionne un verset qui dit « Ya ayyuha allatheena amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum » ou « Vous qui avez cru, obéissez à Allah et aux messagers, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont le commandement. » Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Usikum bi taqwa Allah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous incite à craindre Allah et à écouter et à obéir, même si celui qui est dirigeant sur vous est un esclave. » Donc on ne regarde pas le statut ou l'apparence de la personne, mais on regarde le fait que la personne a cette responsabilité-là, et à partir de ce moment-là qu'il est notre dirigeant, il est obligatoire pour nous de l'écouter et de l'obéir dans le bien. D'accord? Et il considère que de désobéir aux dirigeants musulmans, c'est de désobéir au messager. Si tu désobéis aux dirigeants musulmans, tu désobéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuti'i l'amir faqad ata'ani »« Wa man asa l'amir faqad asani » Ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça veut dire quoi? Celui qui obéit aux dirigeants, il m'a obéi. Et celui qui désobéit aux dirigeants, il m'a désobéi. C'est la même chose. Quand on lit dans le Coran que Allah nous ordonne d'obéir à nos parents, eh bien, si ton père il te demande de faire un péché, est-ce que tu as le droit de l'obéir? Non. Mais tu dois l'obéir dans le reste de qu'est-ce qu'il t'ordonne de faire qui est bien. Hein? Mais tu ne vas pas faire un coup d'état sur ton père. s'il t'ordonne de faire quelque chose qui te fait pas plaisir, hein, tu vas dire non, c'est plus toi le père, maintenant c'est moi. C'est moi qui décide dans cette maison. Mais c'est exactement la même chose. Hein? C'est comme des enfants quand ils veulent des jouets, puis leurs parents ils veulent pas leur donner. Et puis eux ils commencent à créer. Non, non. Hein? Tu les vois dans les magasins, ils commencent à faire des crises. Eh bien, il y en a qui agissent comme ça, mais avec les dirigeants. Comme des enfants. Hein? Donc, le cheikh il dit, et les gens de Ahl Sunna, ils considèrent qu'on doit prier derrière le dirigeant et faire le djihad avec lui. C'est-à-dire le djihad, c'est pas n'importe, avec n'importe qui qu'on le fait. Comme si on va pas se faire un petit groupe là, 4-5 personnes, puis on se met ensemble, puis on va dire ça y est, on va aller attaquer tel X ou Y. Non, le djihad c'est avec le dirigeant des musulmans, c'est-à-dire le président responsable du pays, celui qui est au pouvoir, et avec son armée à lui. Hein, le dirigeant officiel de ce pays-là, c'est pas un petit groupe armé que les gens se forment là, puis quand ils décident d'attaquer X ou Y. Ça, c'est l'action des Khawarij, encore une fois. Les Khawarij, c'est ça leur manhaj, c'est ça leur méthodologie de, hein, de faire le djihad. Et n'oubliez pas les Khawarij, contre qui ils ont fait le djihad en premier? C'est contre qui ils ont pensé qu'ils faisaient le djihad? Contre les Sahaba. Hein? Ils ont tué Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ils ont tué Ali radiallahu anhu aussi. Ils pensaient qu'ils faisaient le djihad fi sabilillah. Ils égorgeaient les sahaba. Et ils pensaient qu'en égorgeant les sahaba, ils allaient rentrer au paradis. Hein? Ils pensaient qu'ils allaient avoir des degrés plus élevés dans le paradis parce qu'ils égorgeaient les sahaba. Et ils ouvraient le ventre de leurs femmes. Hein? Alors qu'elles étaient enceintes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour dire comment l'égarement et la bid'a aveugle les gens et les fait tomber dans ce genre de choses-là. Hein? Donc, il y a des groupes actuellement, à l'époque moderne, qui sont tombés, qui ont suivi la méthodologie des Khawarij dans ces tendances-là, comme les groupes qu'on appelle, par exemple, Hizb al-Tahrir. Je ne sais pas si vous connaissez Hizb al-Tahrir. Il y en a des branches au Canada, il y en a des branches en Angleterre, il y en a dans les pays arabes. Il y a les groupes comme les Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, c'est bien connu, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, et ainsi de suite. Eux, c'est ça leur méthodologie aussi, de remplacer les dirigeants, de faire des coups d'État, de prendre le pouvoir. Et puis, qu'est-ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que maintenant, ils ont remporté des élections dans certains pays. Et là, du moins qu'ils ont été élus, ils ont dit, on va pas appliquer la charia. Avant d'être élus, ils ont dit, on va appliquer la charia, on veut appliquer la charia. Du moins qu'ils sont élus, ils disent, on va pas appliquer la charia. La même chose, il y en a un de ces Ikhwan, par exemple, Hassan al-Turabi, au Soudan, quand il a été élu, il a appris qu'il y a des gens, parmi les gens qui avaient fermé une manufacture ou une industrie d'alcool. Lui, quand il a appris ça, il a dit non, laissez ouverte la manufacture d'alcool. Il a obligé que ces gens-là la laissent ouverte. Pourquoi? Ils ont dit non, parce que avant d'appliquer la charia, il faut faire une réforme de la société. Donc il y a un des ulama qui, quand il a entendu ça, il a dit subhanallah, avec quoi d'autre que la charia est-ce qu'on va réformer la société? Est-ce qu'on va réformer la société par quelque chose d'autre avant d'appliquer la charia d'Allah, alors que c'est la charia d'Allah qui est supposée de réformer la société? Donc ça c'est pour vous dire des exemples de contradiction de la part de ces gens-là. الأصل الخامس من أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة الأمور إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا. Donc le cheikh il dit que parmi les fondements d'Ahl al-Sunna, il y a l'interdiction de se révolter, de se rebeller contre les dirigeants musulmans l'interdiction de se révolter contre les dirigeants musulmans qui ont commis un péché ou une contradiction à l'islam, tant que cette contradiction là est moindre que le kufr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de leur obéir dans tout ce qui n'est pas un péché, tant que ils n'ont pas fait un kouf qui est clair. Contrairement aux Mu'tazila, qui eux considèrent que c'est une obligation pour les musulmans de se révolter, de se rebeller contre les dirigeants lorsqu'ils font un grand péché quelconque. Même si ce n'est pas un kouf clair. Et ils considèrent que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et le cheikh, il dit que la réalité, c'est quoi? C'est que le plus grand mal, c'est ce que font les Mu'tazila, de se révolter contre leurs dirigeants. Hein, parce que les conséquences de cette révolte et de cette rébellion ramènent des persécutions, percussions, comment on dit? Répercussions, barakallahu fik. Ramènent des répercussions qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus désastreuses que l'injustice ou le mal de ce dirigeant-là, lui, tout seul. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et lorsqu'il y a le chaos total dans la société et le désordre complet, et que les musulmans sont divisés, que chaque fraction commence à se combattre l'une l'autre, c'est là que les ennemis en profitent. Et les ennemis de l'islam utilisent ce chaos-là pour contrôler. Ça fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça veut dire que tu peux voir, il y a des musulmans aujourd'hui qui pensent que d'être un sunni, ou d'être sur la sunna, ça veut dire juste l'habillement. Comme si tu as un vêtement, un kamis, la barbe, un petit chapeau comme ça, ils pensent que ça veut dire que tu es sur la sunna. La sunna, c'est pas juste un vêtement ou un habillement. Tout ce qu'on vient d'expliquer là, ce sont toutes des choses qui ont rapport avec les fondements et les croyances et les applications. Donc ça ne se limite pas juste à ces aspects extérieurs-là, mais ça comprend un tout. C'est ta compréhension au complet de l'islam qui doit être en accord avec la sunna. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, non mais mon frère, lui là, il fait la prière, il porte la barbe, il a le qamis. Il lit les livres d'Ibn Taymiyyah, il cite Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, et il te parle de Qala Allah, Qala Rasulallah. Puis toi, tu dis que c'est pas un sunni? Tu dis qu'il n'est pas salafi? Qu'il n'est pas sur la voie des salafs? Comment ça se fait? Mais parce que, mon frère, il contredit un des fondements, parmi les fondements de la sunna, qui est qu'on n'a pas le droit d'appeler les musulmans à se révolter contre un dirigeant musulman, même si ce dirigeant musulman-là fait des grands péchés, tant que ce péché-là n'est pas un kufr clair. Et si c'est un kufr clair, c'est au ulama de déterminer et de clarifier que ce dirigeant-là a commis ce kufr clair-là, et de retourner aux hommes de science pour savoir ce qui est un kufr. Et même si ce dirigeant-là a commis ce kufr clair, les ulama ont établi que il faut que ceux qui vont venir enlever ce dirigeant-là aient la force de le faire. Parce qu'ils disent que si tu penses que tu vas arriver pour l'enlever, mais que tu ne seras pas capable, et puis que ça va faire plus de désordre, tu vas faire couler le sang des innocents, tu vas faire que l'honneur des gens va être bafoué, tu vas faire que leur bien va être perdu, et volé. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire, même si c'est une obligation de l'enlever du pouvoir, parce que c'est un kafir à ce moment-là. Mais même si c'est une obligation dans ce cas-là, du moment que tu sais que lorsque tu vas le faire, ça va ramener plus de mal, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit. Et tu dois être patient. Et tu dois demander l'aide d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener le bien. Mais l'adoration qui est la patience, qui est un acte d'adoration, une adoration du cœur, c'est une adoration qui a été oubliée par ces groupes politiques-là et islamiques, islamistes. Ils ne croient pas en ça, eux, la patience. Pour eux, il faut l'action. Parce qu'ils ont été inspirés par Che Guevara, ou bien par les communistes, ou bien par les socialistes, ou bien par Karl Marx, ou je ne sais pas qui d'autre. Et c'est ça qui les motive. Les révolutions, la révolution française, la révolution bolchevique, la révolution cubaine, ou je ne sais pas quelle autre révolution. C'est ça leur modèle. Et ils disent c'est comme ça qu'il faut changer les choses dans le monde. Mais où est-ce qu'il est le Coran? Où est-ce qu'il est la sunna? Où est-ce qu'il est la parole des ulama et des salafs? Ça, ils l'ont jeté derrière leur dos. Et c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de ça. et des hadiths qui mentionnent ces choses-là. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent pas que les musulmans entendent ces hadiths-là et que les musulmans sachent ces choses-là. Hein? Pour pas que les gens soient conscients de la réalité, que qu'est-ce qu'ils font, c'est en contradiction avec l'islam. Al-Aslu Stadis, min usul Ahl Sunnati wal Jama'a, سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que les on doit avoir la langue, hein, et les cœurs en paix vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Tu n'as pas à mentionner les muhajirin et les ansar et les autres sahaba par une critique ou par un mal quelconque. Tu dois les mentionner que par le bien, hein, et ne rien mentionner du mal à leur sujet, contrairement aux mubtadi'a parmi les rafida, les shi'a, rafida et les khawarij, qui insultent les sahaba, hein, et qui nient leur mérite, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar, ils disent en dua, ils font des invocations, ils demandent à Allah quoi? Pardonne à nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune ou de la haine contre ceux qui ont cru. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. C'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons, parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main que si l'un d'entre vous donnait en or, donnait en sadaqa la quantité d'une poignée, la quantité d'une montagne de Uhud en or, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de la poignée de main d'un sahabi qu'il donne en sadaqa. Ou même la moitié d'une poignée de main. C'est-à-dire, si le sahabi donne une moitié de poignée de main, ça vaut plus que la montagne de Uhud par rapport à ce que toi tu vas faire comme bonne action. Donc tu n'es pas placé pour les insulter ou les critiquer. Mais les rafidah, hein, shia, ils les insultent. Ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils insultent Uthman, radiyallahu anhum, et ils les déclarent kuffar. Et ils disent que ce sont des ennemis d'Allah, hein, et des murtadoun, des apostats. Ils disent que du moment qu'ils n'ont pas choisi Ali, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous quitté l'islam, ils sont tous devenus des kuffars après la mort du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les insultent. Ils les insultent, ils font des du'as contre eux. Et ils croient que quand ils insultent les sahaba, Allah leur donne des hasanats. Ils croient que quand ils insultent Aisha radiallahu anha, ils ont des hasanats pour ça. Hein? Et ils l'accusent d'avoir commis des péchés. Et ils l'insultent par toutes sortes de noms. Les Shi'a, ils appellent leurs chiens, quand ils ont des chiens ou des porcs, ils les appellent par les noms des Sahaba. Omer, Bukair, et des noms comme ça. Pour se moquer des Sahaba. Hein? Et beaucoup d'autres choses encore. Ça, c'est sans parler du fait qu'ils adorent les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des divinités, et ils font des mosquées sur leur tombe, et ils font des pèlerinages là-bas, et ils les adorent en dehors d'Allah, comme des idoles. Hein? Et ça, c'est du shirk. Hein? Donc, celui qui insulte les sahaba, l'autre jour, j'étais ici, après la Jumu'ah, hein? Je rencontre un frère, que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, il me dit: ah, je viens de découvrir un prêcheur, un nouveau gars qui fait de la da'wah, je ne sais pas. Il connaît la philosophie, il connaît ci, il connaît ça. Il me dit, je l'ai écouté, puis maintenant j'aime plus Muawiyah radiallahu anhu. Il dit maintenant là, je considère que Muawiyah c'est un munafiq, c'est pas un croyant, c'est pas un musulman. J'ai dit quoi? A'ouzou billah. J'ai dit Muawiyah radiallahu anhu, les ulama ils disent qu'il est khal mu'minin, l'oncle des croyants, parce qu'il était le frère de Habiba, hein, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi ceux qui ont écrit le wahy, il fait parmi de ceux qui ont écrit le Coran avec sa main, un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et non seulement ça, mais en plus il a rapporté plusieurs hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, hein. Non. Donc, il a été le premier qui a fait la flotte navale pour faire le djihad sur la mer. Et durant son époque, il y a eu des grandes conquêtes dans les pays musulmans. Il a fait beaucoup de bien aussi. Radiallahu anhu. Donc, les ulama ont dit que Muawiyah radiallahu anhu, c'est le hijab des sahaba. Si quelqu'un se permet de traverser ce voile-là, eh bien, ils peuvent se permettre par la suite d'attaquer et de critiquer et d'insulter les autres. Hein? Donc, Muawiyah, radiallahu anhu, pourquoi? Ils disent parce que, ils disent, son père, Abu Sufyan, il a accepté l'islam à la fin, dans la conquête de la Mecque. Il a accepté à la fin. Donc, ils disent, comment ça se fait, il a accepté jusqu'à la fin? Il commence à remettre en question son islam. Pourquoi il est revenu? Pourquoi il n'est pas devenu musulman avant? Pourquoi c'est juste quand il a perdu qu'il est devenu musulman? Allah il guide qui il veut, quand il veut. Et du moment qu'il est musulman, on n'a pas le droit de douter de son islam. Et du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était satisfait de lui, il fait partie des sahaba. Et il n'est pas permis pour les musulmans, parce qu'il est mort musulman, il n'est pas permis pour quiconque de parler en lui en mal. Et de dire de lui du mal. Et ceux qui parlent de lui, ce sont des mubtadi'a, ce sont des gens de bid'a. Hein? Et ceux qui insultent les sahaba, ils sont des kuffars. Ils sont des kuffars. Les rafidas sont des kuffars. Hein? Ça, c'est le fait d'insulter les sahaba seulement, ça suffit comme kuffar. Ça, c'est l'imam Malik qui l'a dit. Hein? L'imam Malik l'a mentionné en mentionnant le verset Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. L'imam Malik a dit si les gens sont en colère contre eux, ça veut dire qu'ils sont des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Hein? Alors le tassi, le neuvième pilier, ah oui non, ça c'est pas le neuvième, on est rendu au septième. Min usul ahl as-sunnah mahabbat ahl al-bayt wa tawallihim amalan bi wasiyati rasulillah udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Donc on doit aimer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les rafidas souvent c'est ça ce qu'ils font. Ils jouent avec ça. Ils disent nous on aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité ils font croire aux gens qu'ils les aiment alors qu'en réalité ils les aiment pas. Mais ils font, en réalité c'est quoi? C'est que ils pensent que si tu les as pas adorés en dehors d'Allah, alors tu leur as manqué de respect. Hein? Donc si tu n'as pas exagéré à leur sujet, que tu ne les as pas élevés à des niveaux de divinité, pour eux, tu ne les as pas respectés. Donc ça, c'est des exemples. Et pour eux, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie de Ahlul Bayt. Hein? Parce que, bien entendu, ils ne les considèrent pas comme étant des mu'minat. Et ça, c'est contredit. Ça contredit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Donc il les a appelés أهل البيت. Donc elles font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il faut comprendre que le fait de faire partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pas pour dire que ça y est, hein, t'es sauvé puis que tu vas rentrer au paradis. Comme il y en a certains. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il y en a certains qui pensent ça, yani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya ma'shara Quraysh, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allah shay'a. Ya Abbas, donc il a averti sa famille, Il leur a dit, je ne pourrais rien faire contre, hein, pour vous contre Allah au jour de la résurrection. Sauvez-vous-même. Et même à sa propre fille, il a dit ça. C'est la preuve que le fait d'avoir un lien de parenté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne te servira à rien si tu n'as pas agi selon les principes de l'islam. Là, je vais juste énumérer rapidement les points. Je ne vais pas les détailler parce qu'on n'a plus le temps. Mais sinon, le point numéro 8, le cheikh, il mentionne le fait de croire en les prodiges que font les hommes pieux. Hein? Parfois, il y a des hommes pieux. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils font des choses qui sont hors de l'ordinaire. Ça, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont nié ça parmi les Mu'tazila et les Jahmiya. Toutefois, hein, les gens d'Ahl Sunna, ils confirment que ces choses-là sont possibles. Toutefois, on ne tombe pas dans l'autre extrême des soufis qui tombent parfois dans le charlatanisme, puis les superstitions, puis la sorcellerie aussi parfois, et ils vont dire que ce qu'ils font comme tour de sorcellerie ou de magie, c'est des karamates. Alors qu'en réalité, c'est de la sorcellerie. Et ils utilisent les djinns pour faire toutes sortes de tours pour soutirer de l'argent des gens innocents, et puis par la suite, hein, ils disent que c'est des karamates, alors qu'en réalité, ce sont des sorciers. Ce ne sont pas des awliyas. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan Baina Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, d'Allah, et les alliés du Shaytan. Donc c'est très important de distinguer entre les deux. Et parmi les fondements de la Sunna, il dit qu'on doit retourner au Coran et à la Sunna comme preuve. Que ce soit dans les choses intérieures ou extérieures, en apparence. Et on doit suivre l'exemple des Sahaba, et des Muhajirin, et des Ansar. Donc ça, c'est un autre parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et de toute façon, ce principe, ce point-là, on va y revenir demain, dans la conférence de demain, au sujet des caractéristiques et des fondements du groupe sauvé. On va en parler en détail à ce sujet-là. Donc, on a expliqué certains des fondements d'Ahl Sunna ce soir. Il y en a beaucoup plus que ça. Et si vous voulez les connaître plus en détail, je vous ai cité au début de la conférence des noms de livres des imams d'Ahl Sunna, comme As-Sunna de l'imam Ahmad, As-Sunna de l'imam Al-Barbahari, As-Sunna de l'imam Al-Khalal, As-Sharia de l'imam Al-Jurri. Il y a un livre qui s'appelle aussi, un très bon livre qui s'appelle Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni, qui fait partie des imams des Salaf aussi, et il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Retournez à ces livres-là et vous allez voir, ce sont les Salaf eux-mêmes qui parlent, et c'est eux, al-Tahawiyya et beaucoup d'autres. Ce sont des livres que les Salaf ont écrits, et ils parlent de la Aqidat de ceux qui étaient là avant eux, parmi les Sahaba et les Tabi'in, et les Tabi'in, et ils expliquent c'était quoi leur fondement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, on ne connaît pas c'est quoi le groupe sauvé, on ne connaît pas c'est quoi le groupe victorieux aujourd'hui. C'est juste un groupe quelconque comme ça, mais personne ne peut savoir c'est qui. Non, ce n'est pas vrai ça. On peut savoir c'est qui, il est bien défini, il est clair, il a des caractéristiques. Et on peut tous les reconnaître si on a la connaissance. On va s'arrêter ici pour le adhan, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.